On dit que je suis fier, c'est peut-être vrai. On dit que je suis fier, et qu'est-ce que ça fait? Car tu vois, c'est de toi, oui de toi, qui est là. Vrai. Tandis que je suis riche, qu'est-ce que ça fait?